Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui viennent pour les vacances. Je pense à Ebié, à Sano, à Ibrahim. Et aussi, merci à ceux qui, la semaine passée, étaient à Sapui. Je crois que tout le monde est invité à souvent se joindre pour aller encourager le frère Philippe et les autres au niveau de Sapui. Nous avons pris cette décision en tant que communauté de le faire une fois par mois. Donc, sentez-vous assez libre si le temps vous permet que vous aussi vous alliez pour les encourager. C'est une bonne expérience et ça aide tout le monde. Eux sont réjouis de recevoir ceux qui viennent de Rodara pour les encourager. Et en même temps, vous aussi, c'est une manière pour vous de voir les réalités nouvelles et de voir comment vous engager pour aider les uns et les autres. N'est-ce pas, Ali? Donc, merci à tous ceux qui sont prêts à le faire et continuez à prier pour cette communauté s'appuie. Ce matin aussi, je voudrais que nous prions pour notre frère Oumarou. Il m'avait appelé pour me dire que au niveau de leur promotion, ils avaient un stage pratique et ce matin, ils devraient passer. Donc, je voudrais qu'on pense à lui dans la prière et aussi penser à mon épouse qui ne se sent pas bien. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas venue ce matin. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ne se sentent pas bien. Oui. Ok, on va prier pour Elisa qui se sent pas aussi. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Oui. Ok. Bien. Y a-t-il d'autres sujets? Veuillez vous tenir debout. On va confier ces malades et aussi confier notre frère Oumarou. Et je crois qu'on va ajouter aussi le frère Moumouni parce qu'il a dit que c'est vraiment leur temps pour les devoirs et puis aussi il doit se préparer pour présenter sa thèse avant de rentrer. Donc on va confier tous ces gens-là au Seigneur et pensons aussi à Jacob. C'est le 18 qui doit revenir. Donc on va le confier au Seigneur pour ses préparatifs. Prions ensemble. Père, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons toute la gloire parce que tu es le véritable Dieu. Ô Seigneur, quelle grâce de pouvoir nous tenir à tes pieds et de t'apporter nos soucis. Ce matin, nous voulons te dire merci pour nos frères de Sapui. Merci pour tout ce que tu fais pour eux. Nous voulons te dire merci également, Seigneur, pour notre frère Oumarou, au moment de ce stage, que tu le soutiennes, que tu l'aides, que tu permettes, Seigneur, que tout ce qu'il fera puisse glorifier ton unique nom. Nous venons à toi avec tout ce qui souffre dans leur corps. Nous pensons à Ebenezer, nous pensons à Sam, nous pensons également, Seigneur, oui, au poids de Samuel. Nous pensons à maman, tous ceux qui souffrent dans leur corps, que tu tends ta main, que tu les touches maintenant, que tu agisses, que tu leur donnes la santé totale et parfaite. Nous pensons à Mouni, Seigneur, aide-le pendant ces dernières semaines où il est en train de faire ses examens et de se préparer pour sa thèse. Soutiens son épouse. Aide-le, Seigneur. Interviens aussi pour Jacob. Se prépare pour revenir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour eux. À toi la gloire et l'honneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Ce matin, j'ai voulu faire un partage avec vous à propos de quelque chose que nous avons l'habitude de dire. Et je me demande, est-ce que ce que nous disons, nous le croyons vraiment? Je crois que quand on dit Dieu, nous disons il est omnipotent, n'est-ce pas? C'est ça? On dit encore il est omniprésent et il est omniscient. Nous disons ça. Et si on nous dit de définir, nous définissons. On n'a pas de problème. Omnipotent, il a toute la puissance, n'est-ce pas? Omniscient, il connaît tout. Et omniprésent, il est partout à la fois. On n'a pas de crainte pour cela. Voilà, ce sont des termes que nous prononçons souvent. Mais lorsqu'on atteint la réalité, je crois qu'il y a des difficultés. Et je voudrais ce matin que nous examinions deux textes. Le premier sera dans l'Ancien Testament et le deuxième dans le Nouveau Testament. Parce que c'est vrai, bon, nous pouvons essayer de nous justifier. Quand quelque chose ne va pas, on dit « je ne suis pas le seul à faire ». C'est ça ? C'est moi seul ? Non, c'est pas moi seul. Pensez un peu à ceux qui reçoivent de mauvaises notes et puis ils disent que le professeur est toujours comme ça. C'est lui qui, le prof de maths là est terrible. Chaque fois, il donne de mauvaises notes. Et puis, bon, pour se justifier, on dit « bon, de toute façon, ça va. Comme je ne suis pas le seul, ça va. » C'est pas ça ? Je pose la question, c'est pas cela ? On essaie de se calmer en disant « je ne suis pas le seul, nous sommes tous. » Voilà. Dans cette situation, nous ne pouvons pas dire, nous ne devrons pas dire que tout le monde pense comme ça. C'est vrai, les autres pensent ainsi, à nous d'éviter de penser ainsi. Ce n'est pas facile dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Notre marche, c'est notre vie avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul a bien dit, il a dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de quoi ? De timidité. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. S'il nous a donné un esprit de force, de sagesse, ça veut dire quoi? Que notre marche ne doit pas être une marche avec hésitation. Mais quand vous regardez les chrétiens, nous marchons souvent avec hésitation. Nous ne marchons pas avec fermeté. Celui qui a un esprit de force marche avec fermeté. C'est pas cela? Vous avez déjà suivi ces militaires qui défilent? Est-ce qu'il marche d'un pas hésitant? Non, il ne marche pas d'un pas hésitant. Parce que dans l'entraînement, on leur a dit, il faut marcher avec un pas vraiment ferme. Et puis, vous avez cette, comment ils appellent cela, pas bloqué. Quand ils le font, vous sentez le sol trembler sous vous. C'est leur force qu'ils mettent sur le sol, avec leurs semelles. Ils marchent d'un pas ferme. Si nous n'avons pas hérité d'un esprit de timidité, si nous avons un esprit de force, nous devons, en tant que chrétiens, dans notre marche quotidienne, marcher avec force. Et la raison est que le Dieu qui est notre Dieu a toutes ces qualifications, toutes ces qualités dont je viens de parler. Il est un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, un Dieu omniscient. Je voudrais que nous voyons un personnage de la Bible, quelqu'un d'important. Il s'agit de Moïse. Et nous allons voir notre texte dans Exode au chapitre 4. Et je vous situe un peu le texte. Si vous prenez le livre d'Exode, c'est le moment où Dieu a entendu le cri de ce peuple qui souffrait dans l'esclavage en Égypte pendant plus de 400 ans, a décidé de vraiment intervenir. C'est son peuple. Et il les a conduits dans le désert. Il a vu comment ces gens se comportaient mal. À plusieurs reprises, il s'est fâché. Il a même il les a laissés dans les mains de l'ennemi. Mais chaque fois que le peuple a crié, Dieu, dans son amour encore, il est revenu. Et là, nous voyons que Dieu décide de revenir. Il décide de libérer ce peuple-là. Mais comme lui-même, d'habitude, ne descend pas. Il n'envoie pas des anges venir faire les choses. Il utilise l'homme pour qu'il collabore avec lui. Dieu voulait envoyer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est bien Moïse pour cette mission. Et c'était lui le chef de la mission. Et nous allons voir comment Moïse réagit devant ce Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est Dieu qui a même montré souvent sa puissance à Moïse. Il l'a vu. Mais nous allons voir la manière dont Moïse réagit. Je voudrais que nous lisons dans Exode, le chapitre 4, du premier verset au verset 5. Quelqu'un a la version français courant? Samuel, tu as ta version? C'est parole vivante. C'est parole vivante, tu as. Toi, tu as? Français courant. Ok. Bah, il va lire français courant. Exode 4, 1 à 5. Moïse et son manque d'assurance. C'est mon premier point. Si nous remontons au chapitre 3, c'est un dialogue entre Dieu et Moïse. Et tout le chapitre 3 d'Exode nous révèle ce que Dieu était en train d'expliquer à Moïse. Il lui parlait. Il lui a établi le plan qu'il a mis en branle pour qu'il puisse aller délivrer son peuple. Moi, je vous pose la question. C'est Dieu qui a parlé à Moïse. N'est-ce pas? Tout le chapitre 3, c'est un dialogue entre Dieu et Moïse. Vous allez le lire après pour voir. Et il lui dit tout ce qu'il a comme plan. Il lui explique les difficultés même qu'il y aura. Mais il lui explique également ce que lui, Dieu, allait faire. Mais vous voyez, on se rend compte que ce n'est pas simple. Je lis le chapitre 3 à partir du verset 19. L'Éternel dit à Moïse, à Madian. Non, c'est le chapitre 3. J'étais au 4. Voilà ce qu'il dit. Verset 19, chapitre 3, Exode 3. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller par une main si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Voilà les explications que Dieu donne à Moïse pour lui montrer que ça ne sera pas facile. Mais malgré cela, lui, Dieu, va agir. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une situation avec quelqu'un qui vous explique quelque chose et vous savez qu'il a les moyens. En principe, on dit merci, j'ai entendu, n'est-ce pas? Et puis, on accepte. C'est cela. Surtout quand on est avec un papa, on croit qu'il peut tout. C'est ça, non? La snap. Combien de fois on t'a dit de payer une voiture? Je suis sûr que Nathan a dû te dire de payer une voiture pour lui. Voilà. Et puis tu dis oui, je vais payer. Parce que Nathan regarde en toi quelqu'un qui a de l'argent, tu peux payer une voiture pour lui. Tout le monde le fait. On fait confiance à papa et à maman. Ils ont les moyens et personne ne peut enlever de votre tête qu'ils n'ont pas les moyens. Vous croyez en eux. Ok. Donc, en principe, lorsque vous regardez, et surtout que c'est Dieu, il avait fait des choses que Moïse avait vues. Et Dieu parle à Moïse, il lui dit, voilà tout ce qui va se passer. Mais voyez ce que Moïse dit au premier verset du chapitre 4. Il a dit, ils ne vont pas me croire. Pourquoi cela? Ce peuple, Moïse le connaissait bien. Ou bien, il le connaissait très bien. Mais la raison pour laquelle, la raison principale pour laquelle Moïse a dit cela, c'est parce que Moïse a fait un retour en arrière sur le passé. Si vous vous rappelez, le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse étant devenu grand, malgré cela, bien qu'il ait été élevé par la fille de Pharaon, il savait qu'il n'était pas un Égyptien. Il est sorti sur le chantier, il a vu que quelqu'un maltraitait un Juif, un Israélite, Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa colère, il a frappé, tué et l'a enterré. Et il est dit que le lendemain, lorsqu'il est revenu, il a dû parler avec les autres. Il a vu là deux Israélites qui se querellaient et il a voulu intervenir et on lui a dit, tu veux nous tuer comme tu as fait ça à l'Égyptien. Il a vu que sa vie était en danger, il a été obligé de fuir. C'est vrai, ça fait beaucoup d'années après, 40 ans. Le pharaon qui était là était mort, mais un autre était là. Est-ce que Moïse avait la sécurité? Non. Et encore, même s'il avait la sécurité, ce peuple qu'il connaissait bien, il savait que ce peuple, comme lui-même Moïse a dit, que c'est un peuple au cou raide. Ce sont des gens difficiles. Il le connaissait. Je crois que chacun de nous sait ce que c'est que des gens de son groupe ethnique. C'est pas cela? Moi, je suis Samo. Si on me dit, tu parles les voir, et puis tu décides, tu leur dis, voilà, ce que je vais faire demain. S'ils disent oui, si tu te lèves, il ne faut pas croire que c'est un oui. Ce n'est pas vrai, non. S'ils sont honnêtes, ils te disent, bon d'accord, va, ensuite on va te rappeler. Ou bien, va, on verra. Si toi-même tu es sage, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, je vous ai livré la nouvelle. Je reviendrai. Voilà. C'est la bonne manière comme ça. Sinon, s'ils disent oui, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, ça ne va pas marcher. Parce que, et ça, si quelqu'un va en pays sans et puis il fait quelque chose de ce genre, il dit, je suis allé les voir, ils sont d'accord. Je dis, pardon. Le d'accord là, ça c'est en haut. Il faut que tu repartes. Là, tu vas les entendre. Ils vont dire, s'ils sont d'accord, ils diront qu'ils sont d'accord et te donner les raisons. S'ils ne sont pas d'accord, ils diront. Si vous demandez à fidèle, en bon, c'est nouveau. Si vous allez devant une situation, il va vous dire, mes parents là, ce n'est pas sûr. Ce que tu es en train de vouloir dire là, ils ne vont pas être d'accord. La raison, c'est quoi? Il connaît son milieu. Moïse connaissait bien ce peuple-là. En faisant le flashback, il s'est rendu compte que ça ne va pas être facile. Et ils vont me lui poser cette question-là. Où t'es-tu apparu? Comment? Tellement de choses qu'il ne pourra pas répondre. Voilà pourquoi il n'était pas prêt à cela. Il avait des difficultés. Dieu a expliqué. Dieu lui a donné tout le plan. Il ne devait pas douter un seul instant. Mais Moïse dit, est-ce que ces gens, ils ne vont pas accepter, ils ne me croiront pas. Cette raison, c'est parce que Moïse réfléchit de façon humaine. Il regarde aux choses concrètes, ses sens. C'est ça. Et il a raison. Il avait raison. Mais vous voyez, qu'est-ce que Dieu fait pour convaincre Moïse lui-même? Parce que Moïse n'est pas d'accord. Il n'est pas prêt à aller. Ils ne vont pas accepter. Il ne peut pas lui les convaincre sur sa parole. Alors, Dieu utilise un déclic pour lui-même, Moïse, le convaincre. Et il n'a pas pris quelque chose à part. Il le joint à l'expérience. Il lui demande, qu'as-tu en main? Qu'est-ce qu'il avait en main? Un bâton, dans votre version, dans la version du second, dit une verge. Il l'avait depuis longtemps, un bon berger. C'est quelque chose d'inanimé. Il l'utilisait pour peut-être s'appuyer, monter, s'il y avait quelque chose de dangereux, essayer de chasser, ainsi de suite. Mais ce n'est pas quelque chose de dangereux dans sa main. Et il lui dit, jette ce bâton-là. Il l'a jeté. Le bâton s'est transformé en serpent. Sa version me dit qu'il a pris de l'écart. Ici, on a dit Moïse s'enfuit. Tout le monde connaît ce que c'est un serpent si vous n'avez rien en main. Ou bien, si vous n'avez rien en main, c'est clair que vous allez fuir. Si vous avez un bâton, peut-être là, vous allez vous arrêter parce que vous savez que vous pouvez vous défendre. Moïse s'est enfui. C'est le bâton qu'il avait en main. Dieu a montré à Moïse qui il était. Et il joint Moïse à cette expérience. Il lui dit quoi? Tends la main. Saisis le serpent par la queue. Je ne sais pas si vous êtes à la place de Moïse, comment vous allez réagir. Charles, tu allais attraper? C'est sûr? Ah, moi j'allais lui dire de me donner certaines assurances, hein? Parce que vous n'allez pas regarder la chose comme ça, et puis vous n'avez rien à main. C'est vrai, c'était votre bâton, il n'est plus un bâton, c'est un serpent. On fait quoi? Mais vous voyez, il a réagit positivement, il a attrapé la queue. Et il est dit que le serpent s'est encore transformé en bâton dans sa main. Et voilà la preuve concrète pour Dieu, c'est avec ça que tu vas les convaincre. Si vous êtes à la place de Moïse, je crois que vous allez dire, maintenant je peux aller. Ou bien, oui, moi j'allais dire, maintenant je peux aller. Parce que j'ai quelque chose que je peux jeter devant eux, qui va se transformer en serpent pour leur dire, voilà, c'est le Dieu là. Parce que moi, je ne suis que le propriétaire d'un simple bâton en main. Si ce bâton peut se transformer en serpent, c'est parce que lui, le Dieu Tout-Puissant, a procédé à cela. C'est lui qui a fait ça. Donc, il y avait une preuve en main, il y avait quelque chose de solide pour qu'il puisse les convaincre. C'est la vérité. Une des difficultés pour que nous puissions croire à l'omnipotence de Dieu, c'est souvent nous limitons à nos cinq sens. Le problème est là devant nous. On l'analyse sur tous les angles, je crois. D'habitude, on dit il faut bien joser la situation. On analyse et puis on dit logiquement, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne va pas marcher. Parce que vu ça, ça, ça et ça ensemble, ça ne va pas marcher. Parce que nous avons regardé avec nos yeux, nous avons tâté avec nos mains, on a dû sentir avec le nez, toucher, et même on a réfléchi et on dit, ça ne va pas se passer, ça ne peut pas. Mais nous oublions souvent, au lieu de regarder à l'obstacle, de regarder à celui qui a créé tout et dans ce tout, il y a cet obstacle-là. Moïse a fait l'expérience même avec Dieu. Et ça, c'est encore avant, au chapitre 2. Moïse, lorsque Dieu a parlé à Moïse, qu'il aille et qu'il prenne le devant, qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit, je ne suis pas un homme habitué à parler. Parce qu'il savait que pour diriger un peuple, un bon leader doit être quelqu'un qui parle bien. C'est pas cela? Aujourd'hui, vous pouvez ne pas avoir une voix assez solide. Il y a des micros et autres qui peuvent amplifier votre voix. Mais un bon leader doit pouvoir parler de façon distincte et de façon claire. C'est ça? Moïse a dit cela à Dieu. Et la réponse de Dieu était quoi? Dieu a répondu à Moïse. Il a dit à Moïse, la bouche là, c'est qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche? C'est Dieu, non? Si Dieu a fait la bouche, ça veut dire que Dieu peut permettre que cette bouche-là, qui n'était pas habituée à parler, puisse parler correctement. Dieu a dit cela à Moïse. Je voudrais que quelqu'un dise, ma référence se trouve dans le chapitre 2, le chapitre 2. Je ne me donne pas une mauvaise référence. Voilà. C'est le chapitre 4, le verset 10-11. Je dis cela. Voilà ce que Dieu dit. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » La réponse de Dieu, verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi ?» L'Éternel, est-ce que tout ce que Moïse avait dit pouvait tenir? Non, Moïse ne pouvait plus rien dire. Donc, je dis que la plupart du temps, nous ne faisons pas confiance en cette omnipotence de Dieu à cause de ce que nous pouvons sentir avec nos différents sens. Nous regardons nos limites. Nous oublions que le Dieu qui a créé le monde et les cieux a autorité et puissance sur tout ce qui est contenu dans le monde et dans les cieux. Dieu a cette puissance-là. Si nous croyons en cela, nous aurons toujours de l'assurance. Nous n'allons pas douter. Nous allons marcher d'un pas ferme. Nous n'allons pas hésiter. Allons dans le Nouveau Testament et je voudrais que nous lisions un texte dans Matthieu au chapitre 14. Quoique nous l'avons lu à plusieurs reprises, Matthieu chapitre 14. Et là, nous voyons encore des difficultés. Et ces difficultés sont liées à ce que je viens de dire. Les disciples de Jésus sont éprouvés à cause du fait qu'ils regardaient les choses de façon humaine. Ils regardaient à leurs ressources limitées. Bayou est là? Tu peux nous lire Matthieu 14, à partir du verset 13, tu le lis jusqu'au verset 21. Merci. Voici le Seigneur avec ses disciples. Un moment d'épreuve pour les disciples. Il fait soir, c'est dans une situation où c'est comme la brousse, il n'y a pas aujourd'hui. Je crois que quand une grande foule se déplace, les commerçants aussi savent qu'on peut vendre quelque chose, ils vont se déplacer. Dans leur texte, je ne pense pas que c'est la même chose. Les gars ont suivi Jésus parce qu'ils voulaient le voir faire des miracles aussi, des gens voulaient la guérison. Donc, je crois que quand on poursuit, on ne se prépare pas en conséquence, la plupart du temps. Et le soir est là. Et Jésus dit à ses disciples, il faut leur donner à manger. Ils prennent leurs ressources. Quand vous regardez, ces ressources sont très limitées. C'était quoi? On nous dit 5 pains, et puis combien de poissons? 2. Pour des bons mangeurs, je ne pense pas que 3 personnes peuvent dire que c'est suffisant. Où est Bayrou? Bon, 5 pains, 3 poissons. C'est vraiment peu. Peu. Comparé aux besoins qui étaient là. Mais je vous pose la question. Nous sommes au chapitre 14 de Matthieu. Est-ce que Jésus n'avait pas fait de... Il n'avait pas opéré de miracle avant cela? Hein? Répondez-moi. Il n'en avait pas fait? Si! Il avait opéré beaucoup de miracles avant cela. Mais je vous pose la question, pourquoi les disciples viennent vers lui pour lui dire, vraiment, nous n'avons que 5 pains et puis deux poissons. Je vous pose la question, si on vous dit, honnêtement de vous dire, est-ce qu'il croyait en Jésus? Croyait-il en lui? Il croyait en Jésus? Répondez-moi. Ce maître avec qui vous étiez, vous avez vu des miracles qu'il a opérés et vous dit de faire quelque chose. Mais si vous ne pouvez pas faire, vous devez retourner vers lui pour lui dire fais. Ou bien, on lui dit fais. Mais ils viennent, ils posent leur problème. Est-ce qu'on n'a pas de ressources? Ils ont comparé la foule, le besoin de la foule en nourriture avec les ressources qu'ils avaient avec eux. C'était une goutte d'eau dans la mer. Ça n'avait aucun sens. Ils ne pouvaient pas avoir de l'assurance. Quand nous regardons avec, quand nous nous fions à nos sens, nous ne pouvons pas voir la, l'omnipuissance, l'omnipotence et l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous calculons, nous disons, la logique veut qu'il y ait cela. Et voilà ce qui leur arrive. Mais quand nous disons la suite du texte, nous voyons que Jésus n'a pas été limité par ce manque de ressources. Il n'est pas allé chercher ailleurs. Il a dit quoi? Donnez ce qui est là. C'est sur cette base. Pour qu'ils fassent l'expérience avec lui, il a commencé par leur dire de disposer les gens pour qu'ils participent, pour comprendre. Ils ont installé les gens par groupe. Et il a dit, il a pris le pain, il a pris le poisson, il a prié, ça s'est multiplié, ils ont mangé. Et ce qui restait était plus que ce qui était au début. 12 paniers de morceaux restants par rapport à 5 pains et 2 poissons. Mes frères et mes sœurs, nous voulons marcher de façon ferme. Nous avons des difficultés de pouvoir marcher de façon ferme à cause du fait que souvent, nous ne croyons pas réellement à la puissance de Dieu. C'est possible qu'on soit comme Moïse. Moïse avait un passif derrière lui. Il avait déjà fait une expérience mauvaise avec le peuple. Il n'avait pas oublié. Et c'est sur cette base qu'il dit, ils ne vont pas accepter. Humainement, il avait raison. Mais je crois que nous sommes plus que Moïse en ce moment-là. Parce que nous avons la possibilité de ne pas nous laisser limiter par ce qui est passé. Ce qui est passé, nous l'avons déjà confié à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle je crois que quand on va devant Dieu, on demande qu'il puisse nous purifier, nous sanctifier, enlever en nous tout ce qui ne convient pas. Si par le passé, il y a des expériences qui nous retiennent, je crois que nous n'avons d'autre choix que de les confier et de nous en débarrasser. La parole de Dieu dit que lorsque nous allons vers lui et nous confessons nos péchés, il fait quoi? Il les jette dans une mer d'oubli. Il ne parle plus de ça. Il a pardonné, il a mis une croix, ça s'est jeté loin. Nous avons cette grâce. Il faut que nous croyons en cette omniprésence, en cette omnipotence et en cette omniscience de notre Dieu. Il nous faut cela. Sinon, nous ne pourrons pas marcher d'un pas ferme, surtout dans ce monde qui est branlant. Regardez autour de vous. Si nous n'avons pas cette assurance, nous n'allons pas pouvoir marcher convenablement dans ce monde-là. C'est parce que nous manquons souvent d'assurance que nous faisons un attelage avec le monde. Si je voudrais que nous puissions nous départir de cela. Notre Dieu n'a pas changé. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. S'il n'a pas changé, pourquoi nous allons douter de lui? Pourquoi? Voilà ma question. Pourquoi doutons-nous de lui qui n'a pas changé? S'il n'a pas changé, s'il est le même Dieu et qu'il est un Dieu fidèle, nous devons toujours croire en son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. C'est parce qu'il était omniscient qu'il a déroulé tout le plan de ce qu'il allait faire à Moïse. Il lui a expliqué tout ce qui allait arriver. Et si nous lisons la suite du livre de l'Exode, c'est exactement ce qui est arrivé. Et il était sa puissance. Moïse l'a expérimenté. Les enfants d'Israël l'ont expérimenté. Dans la Bible, nous avons plein de gens, plein de caractères, de personnages qui ont montré leurs limites. Mais beaucoup ont montré qu'ils n'avaient pas peur. Quand vous pensez à l'histoire de David et Goliath, dans 1 Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Il n'a pas regardé, il connaissait ses limites. David connaissait ses limites physiques. Par rapport à cet homme d'à peu près 2 mètres et quelques, il était qu'un enfant, il connaissait ses limites. Et puis, il n'avait pas une arme de guerre comme cet homme avait. Il n'avait que cette fronde avec des cailloux. Il connaissait ses limites. Mais parce qu'il croyait fermement en la puissance de Dieu-là, il a dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Voilà. C'est pour cette raison qu'il a rejeté les armures, l'armure et le casque et tout ce que le roi Saül lui avait donné qui était encombrant, avec lequel il ne pouvait pas marcher. Il a compté sur l'Éternel. Je pense que nous devons faire comme lui. Des gens comme Josué ont fait la même chose. Caleb, Gédéon a dit, je suis petit et puis je suis d'une tribu la plus petite. Dieu a dit quoi? Bats avec la force que tu as. Dieu a pris la petite force qui était en Gédéon. Il a fait quoi? Il a multiplié par beaucoup et Gédéon a vaincu. Mes frères et mes soeurs, notre Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Il veut que nous puissions devant l'obstacle, surmonter l'obstacle, ne pas nous laisser limiter par l'obstacle. Nos épreuves viennent et viendront toujours. Mais nous devons avoir une seule pensée. L'épreuve est là, ne regardons pas à l'épreuve. Regardons à celui à qui nous avons cru. Si l'épreuve est dans la maison ici, et moi je sais que c'est Dieu qui est au-dessus de cette maison, je vais lui dire, mais il peut même faire partie, disparaître toute la maison avec l'épreuve. Donc pourquoi je vais m'inquiéter? Je m'arrête. Je voudrais que nous ayons cette assurance-là. Et que nous ne nous laissons pas tirer par derrière. Parce que ça, c'est le fort de l'ennemi. Il vous rappelle. Tu dis que non, ça, je peux. Il dit, quitte là-bas. Tu peux. Tu n'as pas fait ça la dernière fois. Et puis, vous êtes rattrapé, vous baissez les bras et vous arrêtez. Je ne voudrais pas que nous soyons des chrétiens qui marchent de façon branlante. Non. Nous devons nous rappeler une chose. Notre Dieu a la toute-puissance. Si nous voulons que notre marche soit ferme, attachons-nous à notre Dieu. Croyons à ce qu'il nous dit de faire. Et nous allons être des vainqueurs. Personne ne veut être un perdant. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'épreuves. Nous ne pourrons pas tenir tant que nous n'allons pas nous rappeler que notre Dieu est un Dieu omnipotent, omnipuissant, omniprésent et puis omniscient. Nous avons cru en lui, je crois que nous n'avons pas à douter. Nous n'avons pas autre chose. C'est ça qui doit être notre motivation. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous sauver, c'est lui seul. Je crois que quand on n'a qu'une seule chose qui a de la valeur, on y accorde beaucoup d'importance. C'est pas cela? Celui qui a beaucoup de paires de chaussures, il peut sortir avec, aller sous la pluie, ça le bat, il n'y a pas de problème. Mais si c'est votre seule paire de cuir, disons en cuir, et vous savez qu'il pleut, est-ce que vous sortez avec? Samuel, tu sors avec? Non, parce que tu sais que la pluie va te battre et ce cuir, ça risque de se gâter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, il faut faire attention. C'est la seule chose qui me reste. Les ressources, on est obligé de faire beaucoup attention à cela quand on n'a que l'unique. Veuillez vous tenir debout, on va prier. Chacun rentre en lui-même. Nous avons souvent des troubles, nous avons souvent la faiblesse, parce qu'en nous, nous avons ce manque d'assurance, nous ne croyons pas que réellement Dieu peut faire. Demandons à Dieu d'enlever ces troubles-là, d'enlever toutes ces inquiétudes de nos cœurs, qu'on croit en lui. Parce que c'est vrai, il est le même, il n'a pas changé. Et la puissance qu'il a ne s'est pas altérée du tout. La puissance-là est toujours là. Prions chacun pour lui-même. Père, je te bénis ce matin. Je te loue ce matin, Seigneur. Je t'exalte ce matin. Je te demande ce matin que tu viennes nous aider. Oui, nous voulons réellement, et je le veux de tout cœur, avoir cette assurance toujours que toi, tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu omniscient et le Dieu omniprésent. Que ta puissance ne s'est pas altérée et que dans ma marche, je puisse avoir cette assurance. Oh Seigneur, je veux avoir cette assurance comme David. Je veux avoir cette assurance comme Josué, comme Caleb. Marcher avec toi. Oui Seigneur, je te supplie ce matin. Interviens. Aide-nous Seigneur. Soutiens tes enfants que nous sommes. Conduis-nous Seigneur. Permets que nous demeurons attachés à toi et que nous ne doutons pas un seul instant, ô Seigneur, de ce que tu es. Père de bonté, Père de fidélité, merci pour chacune de nos vies. Sois béni, sois loué et sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à Bruce de dire merci à Dieu qui nous a entendus. Seigneur, je vais demander de gloire sur la terre pour te remercier. Oui, Seigneur. Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, parfois nous oublions, nous ne connaissons pas, Seigneur, ta puissance. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, sois avec nous. Encourage-nous, fortifie-nous, pour que nous puissions, de jour en jour, Seigneur, croire mieux en ta puissance, Seigneur, et actualiser, Seigneur, ta puissance dans la vie, dans notre vie, dans la vie de notre Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir, hein, après le Seigneur. Nous avons la sainte scène. Je peux demander à Bruce d'avancer. Draman, tu peux te joindre à nous. Tu n'es pas prêt? Ok. Qui va se joindre à nous? Ali. Voilà. Bien. Nous allons passer à la table du Seigneur. Arrêter, c'est là.